Les signes de l'heure. Définition des signes de l'heure. Asharat, c'est le signe. Son pluriel est asharat. Les asharat d'une chose sont ses débuts. Asharat est donc le signe de la chose indiquée. As-sa'a dans la linguistique. C'est l'une des parties du jour et de la nuit dont le pluriel est sa'at ou sa'. La nuit et le jour faisant ensemble 24 heures. Dans la terminologie religieuse, as-sa'a, l'heure, désigne la période durant laquelle la résurrection se produira. Elle a été appelée ainsi parce que le jugement sera rapide, ou encore car elle suspendra les gens en un instant, et toute la création périra à la suite d'un seul cri. Asharatu as-sa'a, ce sont les signes précurseurs de la résurrection qui la précède et indique sa proximité. On dit également qu'il s'agit de ce que les gens renient de ces événements mineurs avant que l'heure n'arrive. On dit également qu'il s'agit de ces causes arrivant avant les autres et sa venue. L'heure désigne trois notions. La petite heure. Il s'agit de la mort de la personne. On dit de celui qui meurt que son heure est arrivée, car il entre dans le monde de l'au-delà. La moyenne heure. Il s'agit de la mort des gens d'une même génération. Ceci est appuyé par ce que rapporte Aïcha, radiallahu anha, qui dit « Quand les bédouins venaient chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils le questionnaient au sujet de l'heure. Quand l'heure viendra-t-elle ? Il regarda alors le plus jeune parmi eux et dit « Si celui-ci reste en vie, la vieillesse ne l'atteindra pas avant que votre heure n'arrive, c'est-à-dire leur mort, donc l'heure pour ses interlocuteurs. » La grande heure. C'est la résurrection des gens de leur tombe pour le jugement et la rétribution. Quand l'heure est mentionnée dans le Coran, elle désigne la résurrection majeure. Allah Azawajal dit Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Surat al-Ahzab, verset 63. Il s'agit ici de la résurrection. Allah Azawajal dit encore L'heure approche. Surat al-Qamar, verset 1. C'est-à-dire, la résurrection approche. Allah Azawajal parle de la grande et de la petite heure dans le Coran. Il cite ces deux moments dans une seule sourate, comme dans la sourate Al-Waqi'a. Il cite à son début la résurrection majeure et dit « Quand l'événement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussières éparpillées, alors vous serez trois catégories. » Sourate Al-Waqi'a, versets 1 à 7. Mais en fin de sourate, il cite la résurrection mineure qui est la mort et dit « Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. » Sourate Al-Waqi'a, versets 83 à 85. Il cite également ces deux moments dans la sourate Al-Qiyam et dit « La أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Non, je jure par le jour de la résurrection. Surat al-Qiyama, verset 1. Il s'agit ici de la grandeur. Il cite ensuite la mort en disant كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي Mais non, quand elle en arrive au clavicule. Surat al-Qiyama, verset 26. Il s'agit de la petite heure. On retrouve cela de nombreuses fois dans les sourates du Saint-Coran. La situation ne se prête pas à citer cela ici. Nous nous préoccupons ici de la grandeur dont nous traitons des signes mentionnés dans le Coran et la Sunna.